Chapitre 12e, les bons vieux. Il faut croire à l'influence des mains. Non pas seulement parce qu'il y a de bonnes et de mauvaises mains, mais parce qu'il y a des mains vraiment douées de puissance magique ou magnétique, si vous voulez, dont l'influence, le pouvoir, se manifeste de façon indiscutable. Les mains de femmes sont très puissantes, elles peuvent tout, en bien, hélas aussi en mal. Il est de petites mains, toutes mignonnes, aux doigts fuselés, aux ongles comme pétales de rose, qui plus terriblement, plus cruellement que serres d'oiseaux de proie, plus profondément que poignards, savent déchirer, peuvent ouvrir, parviennent à percer, se plaisent à tuer. Il est de petites mains, mains d'enfants, mains de poupées, mains de joujoux, qui n'aiment que détruire, baigner leur blancheur dans du sang. Ce sont les mains mauvaises, mains de malheur, plus redoutables que les larges mains que l'on attribue aux bourreaux. Mais il est des mains qui semblent de velours, qu'on dirait de miel, dont l'attouchement est une consolation, un encouragement à la caresse, un bonheur infini. Mains qui pansent toutes les plaies du cœur, de l'âme ou du corps, mains qui guérissent, mains qui relèvent et conduisent vers l'aurore. Ce sont les mains des mamans, les mains des sœurs, les mains des bien-aimés. Oh, leur pouvoir est incalculable, inépuisable, il est divin. Madeleine semblait avoir eu le don des mains bienfaisantes, des mains de bonne fée, elle, la fée blonde. Peu de jours après qu'elle commença de soigner Jacques, la plaie de l'affreuse brûlure marcha vers la guérison. On eût dit que ses mains avaient conscience de leur tâche, du devoir qui leur incombait, de leur mission rédemptrice. C'était en sauvant Madeleine que Jacques avait reçu cette brûlure. C'était la rançon payée à la mort à qui on volait une proie. C'était le tribut exigé par le feu pour passer à travers ces flammes implacables. Et les mains de Madeleine, arrachées à la mort épouvantable, devaient s'acquitter de la dette de reconnaissance par leur pouvoir guérisseur. Il ne leur suffit point, en effet, de rendre le pansement, jusqu'ici douloureux, doux comme une caresse. Elle hâtèrent la guérison. Bientôt, en effet, Jacques put se lever, et tout en gardant cependant son bras en écharpe, se promener, quitter la maison, descendre au jardin et faire un tour dans les champs. Le jour où le sergent descendit de sa chambre et put marcher, une voix heureuse appela joyeusement « Paulette, ma chérie Paulette, viens vite !» Le petit Fernand accourut à Madeleine. « Viens, nous allons nous promener avec notre ami Jacques. » Et devant eux, anxieux, les Porfilets, les Dalmets, virent passer Jacques, s'appuyant de son bras valide au bras de Madeleine rayonnante et Fernand qui, de l'autre côté, triomphalement, s'accrochait au veston de son oncle Jacques. Les vieillards regardèrent avec stupéfaction s'éloigner ce groupe singulier. « Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce mystère de folie ?» se demandèrent les hommes. Les femmes, elles, échangèrent entre elles un regard. Et la vieille mère, voyant son fils disparaître au bras de cette femme, mince, souple, blonde, pareille à une fleur, la vieille mère, pensant toujours à la fée d'amour, secoua la tête, ressentit au cœur une peine fort grande et tout bas, pour elle, murmura « Ah, mon pauvre gars, mon pauvre petitot !» Le docteur avait craint un moment que Jacques n'eût les muscles endommagés au point de voir son bras s'ankyloser, serait dire, lui refuser tout service. Jacques s'effrayait à l'idée de ne pouvoir regagner son régiment, poursuivre sa carrière, mais il était complètement guéri. Son bras ne gardait qu'une cicatrice qui venait jusqu'au poignet, un peu sur la main, mais que la manche du veston recouvrait à peu près. Quant au bras lui-même, il n'avait rien perdu de son élasticité, de sa souplesse, de sa force. Le bon docteur Lobel, stupéfait du bel aspect de la plaie, déclarait « Vraiment, il faut qu'une main magique vous ait pensé pour avoir obtenu ce résultat merveilleux. » Jacques ne verrait pas son avenir brisé par cette blessure. « Une blessure de civil, » déclarait-il en riant, après avoir tremblé à cause d'elle. Superstitieux comme tous ceux qui aiment, qui souffrent, qui risquent leur vie, il pensa lui-même que cette guérison complète, il la devait à Madeleine. Et Madeleine, maintenant que le pansement ne se faisait plus, que Jacques ne portait plus de bandage, Madeleine ne se souvenait plus de la blessure. Elle finit par ne plus même l'avoir sur la main. C'est une marque de folie, en effet, que cette mobilité dans les sentiments, de même que l'obstination dans une idée, si baroque soit-elle. Madeleine oubliait les détails de la vie courante. Rien ne semblait demeurer dans sa mémoire de ce qui arrivait maintenant. Elle continua à vivre sa vie passée, tout en ayant fait à Jacques une place à part. Madeleine et Jacques, accompagnés par le petit Fernand, jouant ce rôle de Paulette, s'en allait dans la campagne, dans les bois, s'asseyait le long des haies fleuries, puis revenait chargé de fleurs, de feuillages cueillis par Madeleine. Car Jacques aidait à la démonte à porter à la maison ce qu'elle croyait être des fleurs magnifiques, qui n'étaient le plus souvent que des herbes, pour préparer les bouquets dont on devait fêter le retour d'Armand. Armand doit venir, nous l'attendons, quel bonheur à son retour. Car tantôt, pour Madeleine, le comte de Saint-Rion arrivait sous peu. Tantôt il était arrivé, il dormait. Alors elle disait son éternel refrain, « Il dort, il dort. » Jacques la suivait, l'accompagnait, restait de longues heures avec elle, sans rien dire. Heureux d'être auprès de Madeleine, mettant son bonheur dans ses yeux, il regardait, il vénérait, il adorait cette femme exquise, qui par sa raison absente n'appartenait plus au monde, avait déjà son âme aux cieux. Heureux il était à côté d'elle, en la regardant, mais il ne voulait pas voir au-delà de son regard, parce que plus loin que ce bonheur de voir Madeleine, se trouvait le malheur, la douleur. Jacques se disait avec effroi, « J'aime, oh j'aime Madeleine, j'aime comme un fou cette folle, j'aime la fée blonde, j'aime la fée d'amour. » Il savait que tout espoir lui était interdit. Jamais personne n'aima comme cela. Jamais personne n'eut à ses côtés, lui parlant délicieusement, lui faisant caresse de son regard aimant, de sa voix, de sa main, la bien-aimée, et ne fut arrêté par la conscience de cet obstacle épouvantable, la folie. À voir là, entendre, sentir, voir, adorer, enfin la femme aimée, et être séparé par ce mur, la folie, par cet obstacle contre lequel il n'y a pas à lutter, par cet abîme que seul peut combler celui qui crée Dieu. Aimer une folle, quelle torture, quelle angoisse, quel martyr. Hélas, Jacques avait le sentiment exact qu'à jamais sa peine était inscrite au livre du destin, et qu'il souffrirait éternellement. « Mon pauvre gars !» répétait la vieille mère, voyant combien son fils aimait la démente. « Seigneur, ayez pitié de mon petiot !» Dans l'intervalle, tandis que tous ces faits se passaient, des événements importants eurent lieu au Ravenel, et prouvèrent encore plus que tous autres que la folie de Madeleine pouvait être regardée comme incurable. La vieille mère Porphylet, qui jamais ne s'était remise de la terrible secousse qu'elle avait ressentie lors de l'incendie, fut un matin trouvée morte dans son fauteuil qu'elle ne pouvait plus quitter. « Là, dit le père Porphylet, devant le cercueil de la compagne de sa vie, c'est donc moi qui veille le dernier. » Quelques jours après, le père Porphylet dit à son ami le père Dalmet de le conduire à Mantes pour une affaire pressée. Le père Dalmet attela sa carriole et emmena son voisin. « Nous allons chez le notaire, » dit le père Porphylet. « Bon, » fit le père Dalmet. Au notaire, le père Porphylet dit gravement, « Je voudrais faire mon testament, mais comme je ne sais pas écrire, je viens vous prier de vouloir bien le tracer à ma place. Rien de plus facile. Je n'aurai qu'à signer, n'est-ce pas, à mettre une croix, parfaitement. » « C'est bien, une croix, je mettrai une croix, parce qu'on en mettra bientôt une sur moi. »« Allons, père Porphylet, » fit son ami, « ne dites pas ces choses. » Le père Porphylet, pendant que le notaire faisait préparer les papiers timbrés par son clerc, s'abîma dans un fauteuil, gardant la tête penchée, les yeux fixés sur la pointe de ses gros souliers. « Vous savez, monsieur le notaire, » dit ensuite le vieillard, « que dans l'incendie de la ferme, tous mes papiers ont été brûlés, avec tous mes titres de propriété. » « Ne vous inquiétez pas de cela, nous pourrons les rétablir. Faites, si c'est nécessaire, je m'en charge. » Le père Porphylet reprit. « Bon, en tout cas, monsieur le notaire, voici quelles sont mes dernières volontés. Je n'ai plus de parents, je n'ai plus personne au monde, et après le malheur qui m'a frappé, si je n'avais pas rencontré mon ami Dalmet, j'aurais été obligé de mendier mon pain sur les chemins. Alors, monsieur le notaire, ma ferme est détruite, mais les terres sont encore bonnes. Elles m'ont nourri pendant près de 70 ans. Elles auraient nourri mes enfants, si mes enfants ne m'avaient pas devancé là-haut. C'est de bonnes et franches terres qui ne demandent qu'à produire, qui veulent être travaillées. C'est des terres d'honnêtes hommes, de bons paysans. Il faut qu'elles restent dans les mains de braves gens, autrement elles seraient malheureuses. Ça leur ferait de la peine à ces braves terres qui ont fourni le pain à tant de Porphylet, de pousser du blé pour des inconnus. Peut-être des vauriens. La terre, voyez-vous, ça a une âme, comme tout ce que fait le bon Dieu, et ça connaît bien qui la travaille. J'ai bien aimé ma terre, et je l'ai bien soignée. Je ne veux pas qu'elle me reproche, quand je dormirai dans son sein, de l'avoir abandonnée ou maltraitée. Je veux qu'elle me remercie et qu'elle me garde doucement, comme tous les miens. Alors, monsieur le notaire, ma dernière volonté est que je laisse la tilleuse à mes amis Dalmay. » Le vieux Dalmay sursauta. « Et là, Porfilet, et là quoi ? Vous perdez-y la tête ? Comment, mais... Voyons, qu'est-ce que vous nous racontez là ? N'écrivez pas, monsieur le notaire, n'écrivez pas. » Le vieux père Porfilet quitta alors le fauteuil dans lequel il était comme enfoncé. Il se dressa. « C'est mes dernières volontés, » dit-il au notaire. « Mais que diable ? » dit le père Dalmay. « On a le temps d'y penser, enfin, vous êtes là encore. Pas pour bien longtemps, je l'espère. Alors il faut prendre ses précautions. » Et comme le père Dalmay voulait protester, il lui coupa la parole. « Non, écoutez-moi, père Dalmay, vous avez été bon pour moi. Vous m'avez témoigné votre amitié. C'était tout naturel, mais c'est pas une raison pour... Attendez, je vous demande d'accepter mon legs. Je vous le demande comme un service. Un service. Je serai content de m'en aller, en sachant que mes terres sont entre vos mains. » Et il fallut bien céder au père Porfilet. Les deux vieux alors s'embrassèrent en pleurant. Tous deux aimaient au même point et de la même façon la terre. Ils l'aimaient non point pour la valeur qu'elle représente, mais parce qu'elle est la terre, la nourricière. Ils l'aimaient comme une personne vivante, comme une bonne mère. Il y a malgré tout dans l'âme si simple du paysan un peu de paganisme. Ces donations faites et le legs accepté, il sembla à ces vieux qu'un lien nouveau s'était créé entre eux. Ils étaient maintenant, par cette terre qui avait appartenu à l'un, qu'elle était à l'autre, devenus comme parents. Et le père Porfilet put se croire, non plus chez un autre au Ravenel, mais un peu chez lui, maintenant que les deux terres n'en formaient plus qu'une. Les deux vieux venaient de faire une visite à la tilleuse. Porfilet voulait revoir sa terre, la faire mieux connaître à son ami, lui dire quelles étaient ses intentions pour l'avenir, quand au retour ils virent avec étonnement des voitures arrêtées dans la cour des Ravenel. « Père, » dit Charles en allant devant des vieillards, « c'est le juge d'instruction et ces messieurs du tribunal qui veulent parler au père Porfilet. » Peu après, les deux vieux entraient dans la ferme. Les magistrats se tenaient autour de la grande table de famille. La mère Dalmay et sa bru leur servaient du cidre frais. Le juge Duranton, après les salutations d'usage et les compliments de part et d'autre, demanda tout d'abord « Madame Madeleine ne peut nous entendre, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur le juge, » répondit Ernestine. « Elle est au bas du champ, près du bois, assez loin. D'ailleurs, si vous le voulez, je vais veiller à ce qu'elle ne vienne pas. »« Oui, c'est cela, je vous remercie. » Et, s'adressant au maître des Ravenel et au père Porfilet, monsieur Duranton ajouta « Nous venons vous apprendre quelque chose d'inattendu, d'incroyable, de fantastique. » Comme on l'écoutait avec anxiété, il ajouta « Nous avons reçu un télégramme d'Amérique, nous disant que le comte de Sarion était vivant. » Tout le monde des Ravenel sursauta cette nouvelle assurément fantastique, comme le disait le juge d'instruction. « Le comte de Sarion est vivant ? Vivant ? » s'écria-t-on. « Mais alors ? » demanda le père Dalmay, « celui qui a été assassiné au calvaire, celui que mon fils a transporté dans sa voiture à la tilleuse, celui enfin qui a été brûlé dans l'incendie de la ferme. » « Ce malheureux, selon la dépêche d'Amérique, n'est pas le comte de Sarion, c'est le domestique du comte, c'est Alexandre. » Le père Porfile releva la tête. « Alexandre ? C'est Alexandre ?» Monsieur Duranton lui demanda. « Vous le connaissez sans doute, père Porfilet. Vous le connaissiez ? Certainement, monsieur le juge. Vous l'avez vu autrefois ? Alexandre est venu en effet à la tilleuse. Bien. » Fit le juge Duranton. « Vous le connaissez suffisamment. Vous l'avez vu assez longtemps ? Alexandre a demeuré plusieurs jours à la tilleuse. Donc vous avez été à même de voir Alexandre, de l'étudier, et vous auriez pu, vous pourriez encore le reconnaître. Je le crois, oui, peut-être bien. » Mais quand Jacques Dalmay ramena la tilleuse, le blessé ramassé au pied du calvaire, quand vous avez couché sur votre lit le malheureux, vous avez pu à loisir voir le mourant. Vous n'avez pas reconnu Alexandre ? Le vieux Porfilet, cette question dont l'importance ne lui échappait pas, répondit simplement. « Oh, monsieur le juge, je ne peux pas dire que j'ai reconnu ou pas reconnu Alexandre. Comment cela ? J'ai déjà que le jeune cousin à étendre le blessé sur mon lit. J'ai vu un homme qui, de corps, d'aspect, en somme, autant qu'on puisse s'en rendre compte en voyant coucher un homme qu'on a toujours vu sur ses pieds, un homme qui pouvait bien ressembler à Alexandre. Ah ! C'était sa taille, sa force, sa corpulence, et le visage, la figure. La figure était tellement pleine de sang, de poussière, tellement changée, que forcément, en plus, il ne faisait pas très clair dans la pièce. Je ne puis déclarer que j'ai reconnu le valet de chambre du comte. Et cependant, je ne puis pas dire non plus que quelque chose m'ait permis de soupçonner que ce n'était pas lui. Cette réponse était un peu réponse de Normand, mais au fond elle était l'expression de la réalité. Monsieur Duranton, jugeant la déposition du vieux Porfilet suffisamment explicite sur ce point, demanda alors « Est-ce que Madame Madeleine, pendant son séjour chez vous, recevait des lettres ?»« Oui, monsieur le juge, des lettres de sa vieille parente, Madame Berton, qui est morte depuis. Elle recevait aussi régulièrement des lettres d'Amérique, du comte de Saint-Rion. Depuis le malheur, il n'est plus venu de missive à son adresse ?»« Pardon, monsieur le juge, pardon. »« Ah, bien !» fit monsieur Duranton tressaillant. « Comme la tilleuse n'existe plus, le facteur qui sait que nous sommes ici les apporte au Ravenel. Ces lettres viennent d'Amérique. Jacques, qui a voyagé, qui connaît les timbres, nous a dit qu'il y en avait d'Angleterre. »« D'Angleterre ?»« Oui, » répondit le père Porfilet. « Les premières lettres que nous avons reçues venaient d'Angleterre. Il en est même arrivé une pendant l'enterrement des restes du comte ramassés dans les cendres de la ferme, une autre le lendemain. Les dernières viennent d'Amérique. Qu'avez-vous fait de ces lettres ? Nous les avons gardées. » Sans les communiquer à Madame Madeleine, si, monsieur le juge, nous les lui avons remises tout d'abord. Mais Madeleine, pendant de longues semaines, a été malade. Elle était incapable de lire, de comprendre même ce qu'on lui disait. Elle a repoussé les lettres. Mais quand elle a commencé à aller mieux, tout dernièrement, nous lui avons représenté les premières lettres, celles qui venaient d'Angleterre et celles toutes récentes qui lui arrivaient d'Amérique. Alors, comme au premier jour, Madeleine les repoussa, vraiment ? Elle refusa non pas seulement de les lire, mais de les prendre, même de les toucher. « À quoi bon, dit-elle, que peuvent venir ces lettres, puisqu'Armand doit venir ?»« Ou bien, monsieur le juge, elle nous dit, en éloignant les lettres, elles ne peuvent venir d'Armand, puisqu'Armand dort. Il dort. »« Comment ? Que veut dire ceci, il dort ?»« La démente, hélas, il faut bien la désigner ainsi, croit tantôt que le comte de Saint-Rion doit venir sous peu, tantôt le souvenir de l'arrivée du moribond chez moi. » Le tableau de cette mort dramatique frappe sa mémoire. Elle voit le comte étendu sur mon lit. Elle croit qu'il dort. Le juge Duranton réfléchit un moment, puis dit « C'est bien, monsieur Porfilet. La justice vous remercie de vos déclarations. Aujourd'hui, un fait nouveau se présente qui renverse non seulement toutes nos suppositions, mais tout ce que nous pensions avoir consciencieusement établi sur des bases certaines. Le comte de Saint-Rion, que nous avons cru assassiné et que nous avons reconnu mort, annonce qu'il est vivant. La justice ne peut mettre en doute l'assertion du comte de Saint-Rion, quoique venant de bien loin. Cependant, elle demande à s'éclairer. Elle a besoin de s'entourer de documents précis et sérieux. Ces lettres venant d'Angleterre et d'Amérique nous seront d'une grande utilité. Pour corroborer les assertions du comte et par leur contenu et par les dates où elles ont été envoyées, nous vous demandons de vouloir bien nous les confier. Rien de plus facile, c'est Jacques qui les a rangées, mais son frère Charles sait où sont les lettres. Il va les aller quérir et vous les remettra. » Charles monta dans la pièce où dans un vieux secrétaire qui servait de coffre-fort à la famille, Jacques avait méthodiquement, en ordre, rangé les lettres. Peu après, il redescendait, les remettait au juge en un paquet bien attaché. Au moment où les magistrats se disposaient à partir, le père Porfilet demanda « Monsieur le juge, voulez-vous me permettre de vous demander s'il n'y a encore rien de nouveau concernant la pauvre petite Paulette ?» Le juge Duranton répondit « Hélas, mes amis, rien encore. Nous sommes ici en plein mystère. »« Pauvre Paulette, » fit-on avec peine, « pauvre petite. » Quelques instants après, les magistrats remontaient en voiture et regagnaient Mantes, laissant au Ravenel le père Porfilet, les Dalmets extrêmement anxieux, commentant et le sort de Paulette et la nouvelle, pleine d'angoisse, de l'existence du comte de Saint-Rion.